Salut Charline. Qu'est-ce qui se passe ici? On range un peu les bureaux. Ouais, on fait des caisses de livres. Oui, on remplit les disques durs. Ah, mais non, non, non, et les sujets alors? Bon, tu prends un journal, tu choisis. Mais ça va pas, mais quoi? Mais on n'est pas encore en vacances, voilà. Mais elles approchent. Non, non, non, non, on a encore une semaine pour changer le monde. Ça fait 42 semaines qu'on essaie. Ça serait ballot que ça tombe maintenant. Il a raison. Et plutôt que de changer le monde, si on en faisait le tour. Mais voilà, c'est non. Voilà. Alors aujourd'hui, on a Rosemary Stanley. Ah, bah voilà, on ne change pas le monde avec une américaine. Ah, ça non, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Non, écoutez, je m'en fiche. Avec ou sans vous, je vais continuer jusqu'au bout. Oui, allez. Alors, sujet 1, Notre-Dame-des-Landes. Mais voilà. Ça, ils s'y ont occupé depuis les années 70. Ça, on peut attendre septembre. Sujet 2, le rôle social de l'Église. T'as vu ça où? Bah, dans la Croix. Bah, évidemment que dans la Croix, ils vont dire que c'est important l'Église. Voilà, sujet 3, les financiers de Wall Street qui achètent des livres aux maîtres pour décorer leur appartement. Ah, super, ouais. En parlant de livres, j'ai pas fini ma question. Mais écoutez, je m'en fiche. Moi, je continuerai, je changerai le monde avec ou sans vous et je resterai jusqu'au bout. Voilà, là. Oui. Ah, bonjour, vous êtes qui? Bonjour, je viens pour Madame Vanhoenacker. Ah oui, c'est moi, oui, bonjour. Je suis l'agence de voyage de Radio France par rapport à votre réservation de 2 mois à Acapulco. C'est bien connu que toutes les révolutions partent à Acapulco. Ouais, je pensais que c'était réglé cette histoire. Comme vous hésitiez à partir ce jeudi. Non, non, c'est plus d'actualité, pas du tout. Non, merci monsieur, écoutez, rentrez chez vous. Non, excusez-nous, mais là on bosse quand même, on bosse. Acapulco. Oui, eh ben, pour changer le monde, autant commencer de l'autre côté. Vous voyez? Bah oui, si. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui résiste à l'actualité et voici les 3 informations qui vont se retrouver dans le maquis à 18h. Le peuple a parlé, enfin le peuple circonscrit à la Loire-Atlantique a parlé, il a dit oui à Notre-Dame-des-Landes, les zadistes vont devoir évacuer l'aéroport de Jean-Marc Ayrault. C'est vous le connard qui êtes responsable de tout ce merdier. Il a fallu qu'un guindol comme vous rapplique et foute le bordel dans mon aéroport. Mais où est-ce que vous croyez? Les Français comptent encore beaucoup sur l'Église pour jouer un rôle social. Alors ça marche dans les deux sens. Chacun peut aussi y aller de son petit conseil à son curé. Le dimanche, avant de monter en chaire, vous jetterez 2 ou 3 verres de ce petit vin-là derrière le rabat, la parole de Dieu, vous verrez l'intonation qu'elle prendra. La librairie la plus prestigieuse de New York vend des livres aux maîtres pour décorer le salon des financiers de Wall Street. Reste l'espoir qu'un jour, ils finissent par en ouvrir un. Vous savez, j'ai mis votre livre dans les water. Et tous les jours, j'en lis une page. Ça fait du bien, vous savez. Et moi, je suis accompagnée de celui qui a beaucoup évolué, de la collection d'autographes à la collection de dédicaces de livres et peut-être aujourd'hui de disques. On va voir, c'est Alex Bizarek. Mais bonjour, écoutez, je suis comme un fou, on a gagné au foot hier, Charlie Donnaker. J'ai bien ça, oui. Préciser, hein, ça vous touche une sans secouer l'autre. Quand mais vous dites on, en fait, c'est les gens qui courent sur le terrain. Ah ouais, non, mais j'ai beaucoup donné. Je vous ai pas vu, Alex. Laissez-moi présenter la belle équipe autour de la table. 17h20, elle est à la trouvaille musicale, ce qu'Eden Hazard est au geste technique. On ne sait jamais où ils vont les chercher. C'est Mélanie Bauer, bonjour. J'ai pas compris. Oui, ben je vous expliquerai après. Bonjour à tous. Une musique, une danse, un chant, une culture classée au patrimoine de l'humanité, c'est le Maloya aujourd'hui. Très bien, 17h30. J'ai perdu. Lui, c'est Gignac, du journalisme. Il est un peu lourd au début, mais quand il est en confiance, il est très efficace pour tirer à côté de ses sujets. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi, je me suis rendu à un congrès sur la qualité de l'air. Et j'y ai croisé par exemple Patrick Ollier, c'est le compagnon de Michel Alliomarie. Et il fait des efforts pour être écolo. J'essaye de faire des efforts. Alors le dernier effort que vous ayez fait? Notamment ne pas brûler les déchets dans le jardin. Voilà, Patrick Ollier ne brûle plus les habits de Michel Alliomarie dans le jardin. Et 17h40, l'élégance de Johan Cruyff, la folie de Maradona et le style de vie de Georges Best. C'est Hippolyte Girardot, bonjour. Bonjour. De quoi on parle? De ma copine Lucie, là, que j'ai virée, là. Voilà. Voilà, voilà. C'est le championnat du monde du teasing qui est remporté par Hippolyte Girard. Et celle qui a tout annulé pour présider cette émission est née sous Giscard. Vous intégrez le groupe Moriarty en 99, c'est l'année où sort Matrix. Vous sortez... Moi aussi, hein, Giscard, vous inquiétez pas. Vous sortez votre premier tube Jimmy en 2007, quand Apple sort son premier iPhone, et vous faites partie du collectif Les Françoises au printemps de Bourges en 2010, quand le volcan islandais entre en éruption. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je suis Rosemary Stanley. Oh, la chance. Ça, c'est classe. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Je Je peux vous dire que quand Guillaume Meurice dit ça, c'est classe. Oui, c'est rare. Déjà, c'est rare parce qu'il faut qu'il connaisse. C'est vrai. La dernière fois, c'était Jean-Louis Debré. Il faut que ce soit classe. Rosemary Stanley, merci d'être avec nous. Et classe, effectivement, alors vous avez deux actualités. Il y a une actualité avec le groupe Moriarty. On va en parler tout à l'heure avec Mélanie Bauer, le dernier album. Et moi, je voudrais parler aux auditeurs, si ils ne connaissent pas encore, mais je pense que beaucoup connaissent parce que vous avez fait une tournée dans toute la France. A Queen of Hearts, Rosemary Stanley, au piano Sylvain Griotto et à la réalisation musicale Juliette Deschamps, parce que dans ce tour de chant, un peu à l'américaine, le visuel compte pas mal aussi. Alors, pour résumer un petit peu, donc il y a un piano, une chanteuse, c'est vous, le tout mis en scène dans une réalisation musicale, le répertoire de l'Amérique des années 30, mais pas que, il y a aussi du Nina Simone, Marlène Dietrich, Cole Porter, et les Beatles et Bachung, qui est un peu de tout. Enfin, de tout, circonscrit, hein. Statique et circonscrit, comme les référendums. Le visuel, donc, joue un rôle important dans ce spectacle. Oui, en fait, c'est un disque donc, qui est sorti au mois d'avril avec un DVD, c'est un objet double, et parce qu'au départ le projet c'est un spectacle qui a eu lieu pour la première fois au Théâtre de la Bastille et qui donc était mis en scène par Juliette Deschamps et qui voilà, c'était ma première grande expérience avec un metteur en scène. Mmh. Ça avait mis quelques années à être mis en place, qu'on s'est échangé, on s'est rencontrés quelques années auparavant, on s'est échangé beaucoup de musique, beaucoup d'idées. On a monté une histoire, un scénario, l'histoire de cette femme. Et puis cette idée aussi de traverser en fait un répertoire qui va, on va dire, de Poulenc en passant par Purcell, Bachung, effectivement, comme vous disiez, ça traverse tout ça et qui raconte en fait une histoire. Il y a un fil, justement, le génie entre guillemets de Juliette, c'est aussi d'arriver à scénariser en fait toutes ces chansons et pour que même si elles ne sont pas dans la même langue et de la même époque, racontent une histoire du début à la fin. Et à travers cette histoire, on parle aussi, on avait envie de rendre hommage à toutes ces chanteuses des années 30, 50. Et donc on est dans un univers de cabaret un peu désuet avec ce rideau très très beau couvert de cristaux Swarovski. Voilà. Exactement. Avec des costumes extraordinaires de Vanessa Sanino également. Oui, parce qu'il y a côté femme fatale, par exemple. Il y a un petit extrait qu'on va écouter, c'est Rita Hayworth dans Put the Blame on Mame. Oui. Ça, il y a un côté femme fatale. Et donc, un côté aussi, oui, à l'américaine, décadence élégante. C'est aussi parce que, peut-être dans l'époque qu'on vit aujourd'hui, la décadence l'est beaucoup moins élégante et on a envie de redonner du souffle à ce côté et Amérique des années 30 et ce qui peut être chic et rentré aussi et se fondre dans ce répertoire musical. Moi j'étais bercée par ces répertoires là. Moi je viens vraiment de ces originellement de ces répertoires là, mais en fait on s'inspire visuellement de ces univers, mais on intègre aussi des répertoires qui n'ont rien à voir. Comme par exemple Bachung là-dedans. Mm-hmm. Annie Cordy aussi. Il y a des chansons qui vraiment on est dans un anachronisme aussi. Purcell, pourquoi Purcell ou les tout Beatles, d'un coup là-dedans, ou les Beatles justement. Oui, c'est l'idée, c'est d'être dans quelque chose effectivement d'élégant et en même temps un peu désuet, mais pour raconter une histoire. Quoi. Écoutons un extrait justement. Well, they had the earthquake in San Francisco back in 1906. They said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around. Here's the real lowdown. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. Mame started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Mame par Rosemary Stanley, qui était chantée à l'origine par Rita Hayworth. Et donc il y a une grosse influence théâtrale chez vous alors, quand même, dans ce spectacle-là. Ah ben, il y a le souffle théâtral dans la musique. complètement. C'est-à-dire qu'on s'inspire donc déjà de, à la fois de chanteuses et de comédiennes, mm-hmm. actrices. Ouais. Et moi, j'avais un peu peur au départ parce que je disais, mais moi, je suis pas comédienne, je suis pas actrice. Qu'est-ce qu'on va faire ce tour de chant? Voilà, je vais toute seule en scène, moi avec un piano. Va falloir remplir. Et en fait, je lui ai fait confiance et c'est pour ça que c'est une aventure extraordinaire parce que en fait c'est elle qui avait les clés en main. C'est moi, je trouve que c'est là qu'on reconnaît aussi les grands metteurs en scène, c'est que c'est très minimal, il y a presque rien et elle arrive à raconter une histoire avec presque rien, juste un rideau, un piano, une chanteuse, un pied de micro. Voilà. Et une chanteuse qui passe par plusieurs états, donc l'attente, les battements, les mois, une passion, la promesse, etc. C'est le fil conducteur. C'est Rosemary Stanley, oui. Vous y ajouter quelque chose peut-être? Non. Avec Sylvain Griotto au piano. N'hésitez pas à ajouter des choses, ouais, hein, rentrez dedans. Parce que, oui. Même si c'est souvent assez complet. Et une réalisation musicale de Juliette Deschamps. Et donc le DVD, puisqu'il y a un côté assez visuel avec des très jolies robes et cette mise en scène de Juliette Deschamps. A Queen of Hearts, Rosemary Stanley, qui est avec nous jusqu'à 18h. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're Strange, The Doors, un morceau que adore Rosemary Stanley. Oui, il vous plaît beaucoup. Oui, on l'a repris avec Dom Lanena. Rosemary Stanley est avec nous jusqu'à 18h. On va revenir sur le groupe Moriarty avec le dernier album Melanie Bauer tout à l'heure. Mais il y a aussi ce disque et ce DVD, A Queen of Art, avec Sylvain Griotto au piano, Juliette Deschamps à la réalisation musicale et autour de la table, donc Alex. Bien qu'on n'a pas cité, il nous reste Hippolyte Girardot, hein, qui est concentré déjà sur le titre de sa chronique. Il ne sait plus très bien de quoi on va parler. Et Guillaume Meurice. Et autour de cette table, il y a toujours l'information. L'information, ah oui, toujours, oui. Toujours. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Les Anglais se réveillent groggy après le Brexit. Et sur Google, énormément de Britanniques ont tapé « Que se passerait-il si on quittait l'Union ?» Et c'est malin de le taper après. C'est les mêmes gens qui tapent « Pourquoi utiliser un préservatif ?» Mais après l'acte. Après avoir perdu 3 finales d'affilée, oui. Lionel Messi, dégoûté, décide de mettre fin à sa carrière internationale. Voilà, mentalement, Lionel Messi est donc moins fort que François Bayrou. Et il y aura des brèves. Oui, le référendum est clair. Notre-Dame des brèves doit exister. Commençons avec une histoire d'amour. Une histoire d'amour, oui. Et si toutes les belles histoires d'amour commencent par une incompréhension, on en tient une magnifique entre Cécile Duflo et Patrick Cohen, ce matin sur France Inter. Si vous m'aviez invité il y a 20 ans, vous vous seriez sans doute au lieu de faire ce petit regard légèrement méprisant, carrément moqué de moi. Non, je quand pas on parlait, méprisant, je... si vous dites, j'essaie vous de dit... savoir si vous reconnaissez vous ce dites... matin le résultat d'une mais consultation. Je vous ai dit très clairement, c'est une bataille perdue pour l'écologie. Oui. Mais ça vous satisfait pas? Oui, Patrick Cohen, rien ne me satisfait. On politique toujours avec les conséquences du Brexit. Oui, certains y voient même des opportunités, notamment Valérie Pécresse, qui dirige la région Île-de-France. Elle était sur BFM TV. Il y a un certain nombre d'entreprises qui veulent s'installer en Europe et qui donc s'apprêtent aujourd'hui à quitter Londres. Et donc nous leur disons « Welcome to Paris Region ». Welcome to Paris Region. Et oui, c'est bien connu que tous les investisseurs londoniens écoutent BFM Télé et vont se dire « Let's go to the region of Island from France ». Brexit toujours, le pape met en garde contre la balkanisation de l'Europe. Évidemment, s'il y a trop de Balkanie, l'Europe ne va pas tourner. Hein. Ça, non, il a peur que certaines régions fassent sécession et que l'Europe ressemble donc aux anciens Balkans. Ah, ok, voilà. Mais quand même, hein, si l'Europe était dirigée par des Balkanies... Oui, il y aurait 3-4 États en moins et personne ne serait capable de dire où ils sont cachés. C'est ça. Loi travail, les syndicats ont obtenu donc l'autorisation de manifester demain à Paris sur un trajet plus long que jeudi dernier. Oui, le cortège partira désormais de la Bastille, et rejoindra la place de la Bastille, cette fois en faisant une escale à la Bastille. Voilà, à la Bastille. Contrebande à présent. Oui, les douanes françaises et espagnoles saisissent 5,4 tonnes de résine de cannabis en 10 jours en Méditerranée. Oui, actuellement en Méditerranée, on repêche plus de cannabis que de migrants. Question de priorité, sans doute. Sport, football, suite à la défaite de l'Argentine face au Chili en finale de la Copa América, Lionel Messi décide de mettre fin à sa carrière internationale. Certains disent qu'il aurait vu le match du Belge Eden Hazard hier soir et qu'il aurait été dégoûté. D'ailleurs, mauvaise nouvelle du côté de l'équipe belge. Mais oui, le président historique du fan club des Diables Rouges est décédé hier après la victoire contre la Hongrie. Bah, disons qu'il est parti, mais avec le rêve, et c'est beau. C'est comme si un militant socialiste était décédé après le discours du Bourget. Vous voyez, il y aurait cette idée, c'est possible. Passons à Canal+, qui a annoncé aujourd'hui sa grille de rentrée. Oui, on a appris que certaines émissions commenceront en clair et se termineront en crypté. Et inversement. Oui, il faudra donc inventer des demi-passoires pour bien regarder. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que le zapping est supprimé. Et oui, elle a raison invoquée, ouvrez les guillemets. Cela n'avait pas de sens de faire de la pub aux chaînes gratuites sur une chaîne cryptée, fermez les guillemets. Et c'est vrai que voir dans le zapping une promo de chaîne gratuite, c'est un petit peu voir dans Nuit debout une promo de la loi travail. On n'en est pas loin. Et on termine par une brève. Vitry sur scène, Jacqueline, 89 ans, déclarée morte par la poste, mais est bien vivante. Et le Parisien s'est dit, on va vérifier, et est allé la rencontrer en compagnie de connaissances à elle. Qu'est-ce qu'elle demande, la dame? Elle demande pour comment tu as su que tu étais morte. Eh oui, c'est ça qu'elle demandait, la dame. Eh ben, c'est une facture EDF qui lui a informé qu'elle était décédée, mais pas très inquiète, Jacqueline. Ça m'a mis en colère l'autre jour quand j'ai téléphoné et ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille me montrer à la poste. Pour qu'ils voient que j'étais vivante. Mais pas con la poste. Et donc, petit EDF pour l'énergie et notre avenir. En revanche, le consommateur d'énergie n'a pas toujours d'avenir pour EDF. Vous êtes sur France Inter avec Rosemary Stanley et on va profiter de votre présence pour changer le monde avec ce premier sujet. La Loire-Atlantique s'est exprimée pour la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Les habitants les plus proches du site ont bien sûr voté non, voire au-delà. Hein. Le scandale que nous fîmes chez le notaire ne servit absolument à rien. Nous étions devenus très légalement, et pour pas cher, comme l'avait remarqué Simon, les propriétaires d'une maison inhabitable, dont notre homme, profitant avec un certain génie des 24 heures de grève aérienne, s'était malhonnêtement débarrassé au profit de quatre innocents. Nous irons tous au paradis. Voilà, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la voie est ouverte. Rosemary Stanley, est-ce que vous vous sentez un petit peu concernée par ce sujet? Est-ce que vous l'avez un peu suivi avec ou intérêt ou... Non, on ne peut pas dire que je l'ai suivi, mais en tout cas, on en entend parler quand même depuis pas mal d'années. Vous étiez un peu curieuse du résultat en vous disant, alors je souhaiterais plutôt non ou plutôt... Franchement, plutôt non. C'est-à-dire que je ne voyais pas vraiment ce que ça apporte, en fait, concrètement, à part de, effectivement, pollution en toutes sortes. Moi, j'ai vu dans un autre cas, ça n'a rien à voir, c'est aux États-Unis, parce que je suis originaire du Midwest. Et en Indiana, dans mon enfance, il y avait des champs de maïs. C'est là, ça fait partie de la Corn Belt. Et quand je suis retournée là-bas, il y a maintenant, ça va faire 10 ans. J'y suis retournée depuis, mais il y a une dizaine d'années, en fait, les champs de maïs avaient disparu pour des petits aéroports. Il y a des aéroports absolument partout, privés. Et je trouve que, voilà, je suis complètement contre. En fait, ça change le paysage. Peut-être que des champs de maïs à outrance, c'était pas forcément génial non plus. Mais c'est quand même très étrange comme changement. Oui, vous avez une sensibilité particulière au paysage. Vous adorez ça et donc ça vous heurte. Bah oui, c'est-à-dire que je vois pas dans un paysage de nature ce que vient faire un aéroport. Enfin, surtout qu'il y en a un apparemment qui est quand même pas si loin non plus. Ils avaient peut-être qu'à agrandir l'aéroport de Nantes, je sais pas. Alors, il sera transféré à Notre-Dame-des-Landes. Enfin, là, d'ici là que ça arrive, ouais. On n'a pas encore. C'est un choix de civilisation, après, c'est-à-dire construire un aéroport ou laisser le bocage comme ça. En plus, on sort de la COP 21 où la France est enorgueillie d'avoir trouvé des accords, etc., contre le réchauffement climatique. Et là, il n'y a que la Loire-Atlantique aussi qui a pu voter. Alors que finalement, si un aéroport se construit en France, c'est un véritable choix qui concerne peut-être tout le monde. Est-ce que ça aussi, vous regrettez peut-être que la zone concernée qui puisse voter ? Et qui donc a voté oui, parce que ça crée de l'emploi, évidemment, dans la région. Bah oui, en fait, je pense que... Mais je ne sais pas si les gens se sentent tous concernés par la question, mais et puis dans la région même, c'est presque 50-50, donc mais a priori, oui, c'est vrai qu'on aurait pu nous demander notre avis à tous. Oui, ils auraient élargi, ils perdaient, et ils auraient rapetissé, ils perdaient aussi. Moi, j'ai bien aimé Jarvis Cocker aujourd'hui dans Libération qui disait à propos du Brexit, les dindes ont voté pour Noël. Il y a un petit côté, comme ça. Je trouve ça très bon. Et puis vous avez remarqué que depuis qu'il y a 3 écolos, je mets les écolos entre guillemets avec mes doigts, qui sont revenus au gouvernement, c'est à ce moment-là qu'on relance la construction d'un aéroport. C'est formidable. C'est beau, c'est la France. La France. Merci en toute l'implication de Jean-Vincent Placé. On en est là. Non, forcément, il faut le dire aux gens. Marie Stanley, vous avez donc, on comprend, une fibre environnementale qui est innée ou bien qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite au fil des années. Non, c'est pas inné. Je pense que moi, il se trouve que je fais un métier où on voyage beaucoup. Et en avion aussi, et en train, et en voiture, et donc on voit défiler beaucoup de paysages. On peut pas dire que les paysages d'aéroport soient quand même les plus beaux. On aimerait bien que ce soit sous une cloche, Bon. Et à force de voyager, c'est plutôt le paysage défiguré, sans doute, que vous voyez de plus en plus. Bah oui, oui. En plus, soit par justement la mono-agriculture aussi, soit par c'est une autre forme des paysages, quoi. Mais votre empreinte carbone, on vous la pardonne parce que vous venez nous apporter votre musique dans toute la France et dans le monde, et donc ça, quand même, Mélanie Bauer. Du voyage, on est parti avec la langue créole qui est l'inspiration du dernier disque de Moriarty. Alors, pour bien comprendre la langue créole, il faut tendre l'oreille. C'est d'ailleurs pour ça que les Réunionnais nous appellent les oreilles. Il faut aussi ouvrir son cœur aussi. C'est ce que j'ai compris à l'unique concert. Mais c'est pas faux, Mélanie. Parce que le Maloya, c'est aussi une danse. Oui, c'est vrai, j'y viens. Donc, c'est ce que j'ai compris à l'unique concert de ce disque, Moriarty and Friends, Zans in l'Enfer. C'est ça ? Zanzin l'enfer, du Watia Zore Band. Alors, c'était au Cabaret Sauvage, c'était un magnifique concert, comme un petit bijou. On savait qu'on était, c'était unique et que c'était vraiment un grand moment. Il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors, on va ouvrir nos chakras et poser quelques bases pour comprendre ce disque. Il s'agit ici de Maloya. Alors, qu'est-ce que le Maloya ? Inscrit au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, comme le Mont Saint-Michel, la cathédrale de Chartres ou encore Hippolyte Girardot. Le Maloya est plus qu'un monument, il est à la fois une musique, un chant et une danse propre à l'île de la Réunion, créée par les esclaves d'origine malgache et africaine dans les plantations sucrières pour se moquer des colons ou simplement se souvenir de leur histoire, faire vivre leurs ancêtres. Une musique politique qui, à la fin des années 50, sera interdite dite par l'administration coloniale qui refuse le droit d'expression à ce peuple pour tout simplement pour qu'ils ne deviennent pas indépendants et qu'ils n'en aient pas envie. Ainsi que la langue créole, bien sûr. Jusque dans les années 80. Une musique difficile, exigeante, qui utilise des instruments autant africains que des instruments celtiques comme cornemuse et autres bombardes. Et puis une poésie, comme ici avec Alain Peters. Bolzak egin zuzera Dans à l'enfer, se dit, c'est d'ailleurs un hommage à ce grand monsieur. 11 titres, dont 2 titres inédits, cadeau posthume, c'est ce que j'ai compris, oui. Sur scène. Oui, c'est ça. En fait, c'est un cadeau de la fille d'Alain Peters. C'est à qui on avait envoyé ce disque. Et puis, elle nous a proposé un texte. Et en fait, elle nous a proposé 2 textes. Elle nous a dit, si ça vous intéresse d'en prendre un. Et en fait, on a écrit une musique, Marjolaine Carlin, qui est donc... ma collaboratrice et co-chanteuse et percussionniste et musicienne, et qui a donc écrit une musique pour ces 2 textes, et on s'est retrouvé un peu à devoir expliquer à la fille d'Alain que voilà, comment faire. Et finalement, elle nous a laissé justement ces 2 textes. Voilà, c'est Alain très beau Peters cadeau. Qui est mort il y a 20 ans. Autre agitateur, Maloya, René Lacaille, Daniel Warraud, pour ne citer que des stars, ou encore une femme surnommée la punkette du Maloya, Nathalie Natiembe, dont le disque Karma fut réalisé par un tandem français, Vincent Segal, Cyril Atef, alias Bumchello. C'est très très beau. Quand le corps en vit tout ça sans rien demander plus, quand le cœur souffle salement pour un petit grand l'amour, mon vilain manière mène à nous d'un caloupetta, la tête vite décalée. Une musique exigeante, mais qui se métisse aussi très naturellement avec l'arrivée des nouvelles générations, une tradition qui adopte le reggae, le jazz, l'électro, ou encore retrouve volontiers des racines africaines, comme avec le fameux Kabossé de Davy Sicard. Ça vous parle, Charlie? Telle ma vie va rentrer. Enfin, le Maloya se mélange aussi à la folk, celle de Moriarty, Moriarty and Friends, rencontre entre Moriarty et Marjolaine Carlin, qui remet au centre de la folk le folklore de la Réunion, l'héritage d'Alain Peters. On va écouter votre version de Reste là, Maloya. Sans trop voir qui côté Reste la Maloya. Maloya. Reste la Maloya. Exactement. Moriarty and Friends, que nous a exposé... Sans un l'enfer. Sans un l'enfer, c'est super. L'album. Avec Rosemary Stanley. Et on salue nos auditeurs à La Réunion. Oui. Qui écoute sans doute la rediffusion, qui pour nous est la nuit ici. Et... Invitez-nous, s'il vous plaît. On reviendra avec un live de Moriarty ou Rosemary Stanley pour la Maloya. Merci, Mélanie Bauer. Rosemary Stanley, vous êtes à la bonne adresse comme tous les auditeurs. C'est une adresse à laquelle on peut retrouver Guillaume Meurice tous les jours. Il sonne à la porte à la même heure. Bonjour. Tout à fait. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Eh bien, écoutez, soit le changement que tu veux pour le monde, disait Gandhi, qui avait donc un souhait assez précis, que tout le monde vive comme lui en paix et que tout le monde vive comme lui en tongs, avec un vieux bout de drap dégueulasse sur le dos. C'était un beau projet. Soit le changement que tu veux pour le monde, c'est l'adage que j'ai voulu vérifier ce matin à Cities for Air, la grande réunion pour la qualité de l'air qui avait lieu à Paris aujourd'hui. Beaucoup de spécialistes étaient là. Il y a eu débat. Et qui dit débat dit point Godwin. Vous connaissez le point Godwin ? Oui, très bien. Voilà, la fameuse référence à la Seconde Guerre mondiale qui fait toujours plaisir. Et ce matin, j'ai dégoté pour vous le champion du monde de Point Godwin. Jugez plutôt un mec qui a comparé devant tout le monde l'étoile jaune portée par les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale avec les vignettes automobiles accolées sur les voitures polluantes. Bien joué, champion. Godwin aurait applaudi à lui-même, il aurait respecté ça. Évidemment, j'ai voulu avoir plus d'explications. L'étoile jaune, c'est un marqueur physique. Et en plus, c'est les personnes qui devaient acheter et fabriquer leur marqueur. Et là, non seulement on va avoir un marqueur social très visible, mais en plus, nous devrons l'acheter. Ah, donc c'est pareil pour vous? Oui. Vous craignez des déportations de voitures via Drancy? Je crains une dérive totalitaire, une dérive écofasciste sur Paris. Oh la vache! Ça c'est un beau celui-là. Une dérive totalitaire et écofasciste sur Paris, mais oui, la peste n'est plus brune, elle est verte. Une nouvelle rafle du Veldiv est à craindre, elle aura lieu certainement au garage Speedy de la Porte d'Auteuil. L'écofascisme ne connaît aucune limite. D'ailleurs, qu'est-ce que l'écofascisme? L'écofascisme, c'est en général, ce sont des gens qui sont absolument convaincus qu'ils sont dans le bon droit, qu'on doit tous rouler en vélo, qu'on doit tous faire la même chose, etc. Putain, des gens qui veulent nous obliger à rouler en vélo, mais merde, Jean Moulin, reviens. Mais reviens pas en Vélib, sinon tu vas te faire gauler. Bon, malgré la peur qui me tiraillait, j'ai trouvé la force de lui poser une dernière question. Bon, est-ce que vous vous sentez écolo quand même? Ah, complètement, à 100%. Ah, 100% écolo, c'est un éco-fasciste infiltré. Je suis parti vite avant qu'on me voie avec lui. Ça, c'est un coup à être tendu à la Libération. Quand la deuxième division des tractopelles du maréchal Leclerc ou du général Carrefour ou du maréchal Super-U viendra bétonner toutes les zones franches humides, je me suis barré et j'ai trouvé refuge auprès de Serge Auru. Serge Auru, c'est l'ancien directeur du WWF France et désormais conseiller à la mairie de Paris. Alors, est-ce qu'il est écolo, Serge? Moi, je suis un écolo dans l'âme, mais je pense que... Vous êtes écolo dans l'âme, mais est-ce que vous êtes écolo dans la vie? Je le pense, oui. Bien sûr que je ne suis pas meilleur qu'un autre dans mon quotidien, parce qu'il y a les contraintes. Mais quel est le dernier geste écolo que vous ayez fait? La manière écolo de voir le monde, c'est de l'aimer, et surtout d'aimer les gens. C'est beau ce que vous dites. J'espère. Oh putain, ça fait du bien, ça fait du bien. Il aime les gens, Serge. On sent qu'il fait moins d'écologie, mais plus de politique depuis un certain moment, Serge. Alors ça, c'est un argument que doit utiliser également Patrick Ollier, homme politique aussi, président de la toute nouvelle métropole du Grand Paris, membre éminent du parti Les Républicains, et donc soutien de la construction de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que ça, c'est bien écolo, Patrick? Il faut savoir que le transport aérien va se développer et que rien ne pourra empêcher. Est-ce que c'est pas un problème au niveau de la qualité de l'air, justement? Non, c'est peut-être un problème, mais c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Il faut poser la question, savoir comment on peut améliorer le fonctionnement des avions. Mais est-ce que la question, ça serait pas comment moins utiliser l'avion? C'est pas le problème, c'est pas une réponse à la question que vous me posez. Ah ben non, c'est précisément l'inverse, c'est une question à laquelle Patrick semble pas pressé d'apporter une réponse. Alors on retente le coup, Patrick, comment on peut dire à la fois qu'il faut moins polluer l'air et en même temps construire un nouvel aéroport? Le référendum a dit oui, l'aéroport doit être construit. Ah mais je vous posais la question, est-ce que ça pose pas un problème au niveau de la qualité de l'air? C'est pas le référendum qui pose un problème au niveau de la qualité de l'air. C'est la réponse. Non, c'est la circulation aérienne. Et cette circulation aérienne va tendre à se développer. Ah voilà, c'est ça ma question. Est-ce que c'est pas un problème ça? On peut pas interdire la circulation aérienne. Mais est-ce qu'on peut pas essayer de la diminuer? Le problème n'est pas là. Le problème décidément. N'est pas là. Ne me faites pas dire des choses que parce que ça serait stupide que je dise qu'on va diminuer la circulation. Elle va se développer. Mais ça serait moins stupide d'essayer de faire en sorte qu'elle se développe moins. Mais bon, là, il faudrait une politique véritablement écolo. Et on le sait, hein, l'écofascisme nous guette. D'ailleurs, à ce propos, j'ai rencontré une des leaders de l'écofascisme parisien, la maire, hein, Anne Hidalgo. Est-ce qu'elle fait des gestes écolo? Oh, j'en fais tous les jours. Je roule en véhicule électrique, par exemple. Voilà. En véhicule nucléaire, alors? Nucléaire, peut-être, peut-être pas. Mais peut-être que si, peut-être que si, encore beaucoup, puisque le PS défend aussi le nucléaire et traîne les pieds sur les renouvelables. Donc moins de particules fines, mais plus de radioactivité invisible à l'œil nu. Bref, vous le voyez, hein, dans ce genre de colloque, on brasse beaucoup d'air, mais il n'est pas prêt d'être moins pollué. Merci Guillaume Meurice. Là, là, ça y est, donc il y a du beau monde. Hein. Ah, il y avait du beau linge, comme on dit. Vous avez peut-être rencontré le prochain premier homme de France, parce que... Ah oui, bah, oui. Si elle est élue, vous n'y croyez pas. Ah, oh là là, on vient de loin. Voilà, ah si oui. Michel Alumaris présente, vous voulez dire là, à la... Si elle a dit que oui. Hein, ah ben je soigne mon réseau, moi. je vois bien. Elle est en compagnie de Rosemary Stanley. Et je rappelle le CD et le DVD du spectacle A Queen of Hearts avec Juliette Deschamps à la réalisation musicale et Sylvain Griotto au piano. Rosemary Stanley, on va aborder le deuxième sujet avec vous. La France qui tente de défendre chaque jour la laïcité. Oh. Mais les Français ne sont pas contre le fait que l'Église continue à jouer un rôle social qui n'a pas une connaissance proche ou lointaine travaillant dans les bonnes œuvres. Christiane ? Oh, Mme Le Pic ! Eh ben, Christiane, qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi ? Je suis contente de vous voir. Vous savez que c'est Sœur Françoise, hein ? Ah non. Christiane, la malheureuse, est morte. Sœur Françoise, la bienheureuse, a pris sa place. Ah bon ? Ah bah oui. Mais pourquoi ? Ah, oh, attendez, j'étais trop malheureuse. Hein. Oh bah non, écoutez... Les hommes, qu'est-ce qu'ils m'ont fait voir? C'était pas les os qui me résistaient le cœur. Non, à un moment, j'ai dit, ça va, là, à la burette, là. Là. Isabelle Nanty et Valérie Bonneton dans Fais pas ci, fais pas ça, c'est-à-dire hashtag FPC, puisque nous l'utilisons souvent. Rosemary Stanley, finalement, heureusement que l'Église est là et ses œuvres sociales et les catholiques sont là pour faire une bonne partie aussi du travail social. Il n'y a pas que l'État. Non, il n'y a pas que l'État, mais il y a aussi plein d'autres associations. Bon, il y a les associations religieuses, mais il y a aussi des associations laïques, je pense, qui sont... qui vous en rencontrez parfois ? Oui. Ouais. Dans oui, quel oui. cadre ? Par exemple, quand vous êtes en tournée ou Oui, quand on est en tournée, quand il y a même des associations qui nous demandent de participer, de faire des concerts, justement, soit à but caritatif, soit justement pour les aider à communiquer. Moi, je pense à une association qui s'appelle la 793, que je soutiens fortement et qui est une association qui scolarise les enfants roms dans le 93. Mmh. Voilà. Dans des caravanes, dans des conditions pas toujours très faciles. Et voilà. Vous êtes allé voir sur place d'ailleurs, me semble-t-il. Oui, je suis allée voir sur place. Mm-hmm. Et puis, c'est des choses qui me touchent. Les enfants en général, les enfants à la rue en général, quelque chose que je ne supporte pas vraiment. Voilà. Mais je pense qu'il y a effectivement, en ce moment, surtout en ce moment, j'ai l'impression qu'on n'est pas. Dans une époque extraordinairement faste à tous les points de vue et qu'il y a une demande des gens à être écoutés. Je pense que justement les associations, j'imagine les associations religieuses aussi, se tournent vers toutes les personnes exclues, quoi. Les personnes, là je vois les personnes incarcérées, les personnes seules, isolées. Sans emploi, donc des gens qui sont marginaux, quoi, et qui ne trouvent pas, qui n'ont pas une. Je pense qu'ils n'ont pas de voix, en fait. Et. En tout cas, il y a un article à lire dans La Croix aujourd'hui qui montre que les Français comptent encore beaucoup sur l'Église pour les œuvres sociales et l'Église qui aide en proportion d'abord les migrants à 32% devant les personnes seules ou isolées et les chômeurs. Peut-être on peut rappeler le nom de l'association qui aide à scolariser les enfants roms. La 793. Voilà, et qu'on peut retrouver, j'imagine, sur Internet. Oui. Et que vous incitez donc à soutenir, Rosemary Stanley. Hippolyte Girardot. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Aussi, bah, comme Religion. Comme vous avez un grand cœur. Je pensais à ça, oui. Religion, ça veut dire lien, en fait. Donc les gens religuérés, oui. Voilà, bravo. Écoutez, quand Manouki n'en est pas là, il faut que j'assure. Oh là là, attends. Ah oui, mais ça parle latin, et si Sinaja t'écoute, elle va s'appeler l'émission. L'émission entière en latin. Mais un lien, ça sert aussi à entraver quelqu'un. Ah, voilà. Bon. Vous avez 4 heures. C'est Yvan Girardot. Oui, alors non, parce que voilà, c'est la panique à cause du Brexit là. Tout le monde s'engueule en disant c'est ta faute, pas la mienne, etc. Moi, perso, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que grâce à ça, j'ai retrouvé ma copine, Lucy Appleby. Lucy Appleby, ma fiancée anglaise, ma copine de Canterbury. Pâle comme la crème, ronde comme un bonbon. Celle qui croit que... a été écrit pour elle, alors que pas du tout, ça a été écrit pour moi. Lucie, insouciante, joyeuse, originale, qui souffrait tellement de la pluie qu'ici, elle se mettait toute nue au moindre rayon de soleil. Je l'adorais pour ça. Lucie, l'inoubliable, qui me léchait en disant « sorry, sorry » et qui devenait toute rouge en me disant... Oh oui, les filles, oui, oui. Oh, arrête, non, s'il te plaît. Oui, tout ça, mais aussi Lucie, anglaise tout de même, qui disait que l'Afrique commençait à Boulogne-sur-Mer, qui couchait toujours avec Billy Gunn, son copain américain, qui se moquait des fermetures de nos magasins le dimanche alors que c'est le best shopping day à London, qui adorait recevoir les réfugiés friqués, français, fuyant l'impôt ici même, mais refusait complètement les autres là, qui avec à cause de leur guerre, tout ça, qui se calaient, elle n'en voulait pas. Lucie qui me rappelait que désormais, grâce au réchauffement climatique, on faisait du champagne dans le Kent. Alors vraiment, à quoi ça sert, France? Franchement, dis-moi. Oh, la perfide de Lucie. Samedi, elle m'appelle, elle me dit « Honey, it's me. Lucie, je veux venir à Paris. Tu as toujours le petit chambre là dans ton flat ?» Je la vois venir, je l'attends. « Mais oui, Lucie, bien sûr. J'ai oui, j'ai toujours la... Dis, combien tu me donnes ?»« Sorry ?» dit-elle. « Combien ? How much tu me payes ?» Elle ne comprend pas tout de suite. Elle me dit, mais non, rappelle-toi, le petit papier où tu avais écrit « Bon pour échange de chambre Paris, chambre Londres », tu te rappelles ? You never give me your money. You only give me your funny paper. Eh ben, tu vois, c'est fini ça, Lucie. Moi, si je loue sur R&B, une invention anglo-saxonne, je crois, ma pio, la peine plus grande que ta valise, me rapporte au moins 100 euros la nuit. C'est le nouveau hi-capitalisme, une invention libérale, anglo-saxonne d'ailleurs, je crois, excuse-moi, qui dit fuck les réglementations, les charges sociales, Bruxelles et Camembert. Oh non, come on, hippo, s'il te plaît, je suis ton ami, je peux plus payer. Ben non, tu peux plus payer, évidemment, avec ton Brexit à la con, là. Une invention anglo-saxonne d'ailleurs, je crois. Tu as perdu 30% de ce que t'avais, bah oui. Alors tu as dit oui au Brexit, mais moi je te dis non. You say yes, I say no. You say stop, I say go. Oh, et je raccroche. Que je raccroche au nez de la délicieuse Lucie est aussi improbable qu'un Donald Trump méditant nu sur la pelouse de la Maison Blanche, qu'un Sarkozy serein déclamant de la poésie médiévale, ou un Hollande mince comme Tarzan plongeant dans la scène en cru. Jamais cela n'aurait dû arriver. Mais tant pis. Let it be, let it be, let it be. Eh oui, c'est ça le Brexit. C'est la victoire du chacun pour soi, du repli sur le slip. Des murs qui montent partout, alors tant pis. Mon anglaise, qui m'aura fait fondre dans sa bouche comme de la jelly, mon anglaise s'en va, alors je lui dis bye bye, bye bye. Hippo Girardot, merci. Thank you very much. Un peu de nostalgie. Très belle bande originale. Pour de fellation, surtout. Pour la fellation. Dans la voiture. La jelly, on a. Oui, je vois qu'il y en a. Papa, c'est quoi ce qu'elle vient dire, Mélanie Bauer? Vous lui demanderez. Il est toujours dans la voiture. Rosemary Stanley, justement, en tant que franco-américaine, est-ce que la situation de l'Angleterre matérialise un peu ce côté tiraillé ou pas? Est-ce que vous êtes particulièrement sensible au Brexit ou à ce qui se fait en Angleterre? Est-ce que c'est un pont entre vos deux cultures? Pas vraiment. Non, je suis pas très anglo. Pile. Non, pas... enfin, je suis plutôt américaine. Ouais. Bon, voilà. Américaine, quoi. Oui. Pas anglo-saxonne dans le grand. Non, je suis pas. Non. Bon, après, j'ai beaucoup d'amis en Angleterre, voilà. Ça me... Mais non, je suis pas très... Eh bien, alors abordons le troisième sujet, allons vers New York, justement. Où les livres s'achètent au mètre. C'est une information à lire dans Les Échos aujourd'hui. Alors attention, ils s'achètent au mètre, pas par passion de la lecture, mais par passion de la décoration. D'ailleurs, la librairie peut s'arranger pour que les couvertures des bouquins soient assorties au papier peint. Le problème, c'est quand devant tant de beauté, certains finissent par s'aventurer. C'est dangereux, attention, hein, chez vous, ne faites pas forcément ouvrir un livre. Moi, au début, j'ai eu du mal. Hein. J'avoue, la lecture, j'ai eu méga du mal. Ouais. J'ai mis 6 mois à lire le premier chapitre et j'ai rien compris. En fait, j'ai compris les bouts de phrase. En fait, je faisais une erreur, je me suis rendu compte au bout de 6 mois, une méga erreur. Ouais. En fait, je lisais une ligne et je la continuais sur l'autre page. Alors qu'il faut s'arrêter au collage. Et ça, c'est écrit nulle part et personne ne te le dit. Hein. Ah, même à l'école, jamais on m'a dit « t'arrêtes au collage oh !» Danny Boone. Alors, je trouvais que c'était presque une question philosophique d'acheter des livres. Certains en achètent par 5000. Des camions de bouquins, dont on choisit parfois la couleur, tout ça pour faire une bibliothèque. Généralement, c'est les financiers, apparemment, de Wall Street. C'est une librairie très prestigieuse à New York qui s'appelle Strand. Je ne sais pas, peut-être vous la connaissez ? Oui, je connais. Ouais. Et donc, qui vend les livres au kilo, comment dire. Est-ce que ça pose un peu une question ? Enfin, cette librairie qui est très prestigieuse à New York, est-ce qu'elle ne perd pas un petit peu de son lustre ? En vendant tous ces bouquins, c'est une information quand même assez... Moi, je trouve surtout, pour les gens qui les achètent, je trouve ça d'une hypocrisie dingue. Mm-hmm. Quand on pense que de fabriquer une bibliothèque, ça met... Enfin, personnel, ça met des années, voire même parfois, vous récupérez... Vous héritez de collections. Enfin, c'est une véritable construction, c'est en une fait. Construction. Et là, on veut construire en un claquement de doigts. Ouais, c'est très... C'est vraiment... Vraiment très hypocrite, je trouve. Mais est-ce que le sous-texte, moi, je trouve quelque part positif, c'est-à-dire que l'inculture est mal vue. Donc les mecs, ils ont envie de prouver qu'ils sont cultivés, et c'est quand même pas mal qu'au final, l'inculture soit mal vue. Parce que si on disait, bon non, je vais mettre un poster de footballeur, ben, je préfère que les mecs fassent semblant d'avoir une librairie, au moins, de temps en temps, ils vont peut-être trébucher sur un livre. Moi, je peux vous vendre des disques, si vous voulez, pour votre salon. J'ai plein de livres avant. Ah ben voilà. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il ne glisse pas quelques livres... vraiment scandaleux à l'intérieur, tu vois, avec un visiteur qui arrive. Jean Mein Kampf. Ah, vous voulez ça ? Bonne idée de Rosemary Sandler, c'est de glisser Mein Kampf dedans. Tous les mètres et demi, tous les mètres et demi à l'exemplaire de Mein Kampf. C'est vrai que l'invité qui promène son regard sur la bibliothèque et tombe là-dessus alors que le gars n'est pas au courant, c'est quand même assez magnifique. Ça lui apprendra. Mais à la télévision, toujours les interviews, ça se fait devant les bibliothèques, vous avez remarqué. À chaque fois, moi, je ne regarde pas le type qui parle, je regarde les bouquins derrière. Et c'est vrai que c'est étonnant. François Mitterrand avait choisi de faire sa photo. Comme d'autres présidents dans une bibliothèque. François Hollande, c'était dans le jardin et ce jour-là, il ne pleuvait pas, donc c'était déjà assez symptomatique. Si jamais vos disques, Rosemary Stanley, se retrouvent comme ça, on fait pareil pour les disques, et se retrouvent dans une bibliothèque comme ça, hop, clé en main, ou une médiathèque, une discothèque. Après tout, pourquoi pas, ça fait vendre du disque. S'ils en achètent 50 000 d'un coup, moi, ça me va très bien. Mais non. C'est un peu sidérant comme information. C'est un peu étrange. Oui. Il paraît que presque 40% des disques pochettes, des vinyles, sont achetés parce que c'est joli et que c'est des objets de déco. Ah, et les gens ne les écoutent pas. Ils les achètent parce qu'ils ont le plaisir de l'acheter et puis ils ne les écoutent pas toujours. Mais à l'objet. Oui. Le rapport mais à comme l'objet. Les gamins qui téléchargent du MP3, ils en téléchargent 2000 et ils en écoutent 2. Oui. Voilà. Et alors je vous renvoie à cet article donc dans Les Échos qui commence comme ça aussi en disant Flann O'Brien, un chroniqueur de l'Irish Times, avait inventé un service de manipulation de livres pour les propriétaires de bibliothèques n'ayant pas le temps de lire. Donc pour une somme modique, il proposait de maltraiter un livre, d'en écorner 4 pages et d'y insérer un ticket de tramway, du sort qu'on croit qu'il a été lu. C'est ce que parfois on fait quand on a des invités littéraires. On croque un peu des pages, on met un peu de flou. Révéler le secret de l'émission. Oui. Certaines bio. En tout cas, l'objet est très joli dedans. Hein, c'est le CD et le DVD surtout du spectacle A Queen of Hearts de Rosemary Stanley. Et ça, c'est l'objet visuel à l'intérieur, pas qu'à l'extérieur. Très bien. On lui donnera un petit devoir, Rosemary Stanley, comme tous les jours. On propose un sketch à notre invité. Il arrive. Alors, je vous donne le rôle d'Hillary Clinton. Je me suis dit, tiens, on a une demi-américaine, ça va peut-être l'amuser. D'accord. Et qui reçoit, qui reçoit David Cameron, accompagné de, je vous laisse découvrir, pour parler de cette affaire de Brexit. Hi, Miss Hillary. Nice to meet you. Je suis ravi de vous rencontrer. Hello, Mr. Cameron. Merci d'avoir répondu à mon appel. Bonjour, je suis Bill, ancien président. Merci Bill, Sarah. Voilà, la reine mère a absolument voulu assister à notre entrevue. Hello! Mes hommages, majesté. Mais chut, ne lui dites pas qu'on a quitté l'Europe, hein, ça l'a tué. Hein? Qu'est-ce que tu dis, David? Je dis que j'aime beaucoup la couleur de votre chapeau. Oh, so cute! Ouais. Je voulais vous rencontrer pour vous proposer quelque chose. Oh, c'est d'accord. Marvelous. Oui, je veux bien être reine des États-Unis. Ah, elle n'a pas compris. Je vais lui expliquer, parce que j'ai été président des États-Unis moi-même. Merci, Bill Sayer. Oui, pardon, je ne sers à rien. David, je peux vous proposer un cigare? Non, non, c'est gentil, Mr. Clinton, mais vos cigares, je préfère éviter. OK. Silence. Voulez-vous que la Grande-Bretagne rejoigne les États-Unis? Non, rien du tout, Majesté. Rien du tout. J'ai conscience qu'en passant de 28 à 27, Brussels a perdu son membre le plus précieux. Ah, chez moi, c'est le 21e, le membre le plus précieux. Ça suffit, Bill. Pardon. J'aimerais faire de la Grande-Bretagne notre 52e État. Rien, Majesté. Rien du tout. La madame vous demande si vous voulez un peu de thé. Yes! Voilà, je sais bien que mes compatriotes votent n'importe quoi, mais... Nos pays n'ont jamais été si proches. Nous partageons la même langue. Mais oui, le même racisme, la même agression, vraiment. Bill. Ah, oh, pardon. Nous avons chacun une monnaie unique qui enquiquine l'euro. Et nous avons la même bouffe dégueulasse. Rien, Majesté. Non, rien du tout. Le monsieur vous demande si vous aimez les burgers autant que les fish and chips. God save the fish and chips. Nous avons l'immigration mexicaine. Mexique quoi? Mexicaine. Ce sont un peu nos Pakistanais à nous. Ah, c'est vrai. Alors, je dis yes. C'est bon, elle n'a pas entendu. Fait-on ça, Queen Elizabeth. Vous voulez un de mes cigares? Bill! Rosemary Stanley, merveilleuse et la bien, l'accent américain. Malheureusement. Les décors sont de Roger Hart. Costume de Donald Cameron. Rosemary Stanley, est-ce qu'il y aura un petit peu de festival cet été? Non, pas cet été. Pas cet été. Non. Mais on vous verra plus tard en France, j'imagine, avec Moriarty. Oui, dans. Hors Paris, en tout cas, on pourra vous voir. Rappelez-nous, à Mélanie Bauer, le titre du dernier album de Moriarty, parce que vous l'avez pratiqué. Zanzin l'Enfer. Elle a bien dit? Oui. Wetty, Wetty as a Reband. On a eu 2-3 réunionnais qui nous ont dit on vous écoute même en direct. Il est 19h, mais on vous écoute pas comme ça. Ah ben, on les embrasse, oui. Donc, ils pratiquent la Maloya, donc. Avec Rosemary Stanley. Et je rappelle donc le CD et le DVD du spectacle A Queen of Hearts. What? A Queen of Hearts! Avec la réalisation musicale de Juliette Deschamps et au piano Sylvain Griotto. À voir, on vous conseille le DVD. Merci beaucoup, Rosemary Stanley, d'avoir passé ce moment avec nous. Et on laisse le mot de la fin aux habitants de Notre-Dame-des-Landes. Le scandale que nous fîmes chez le notaire ne servit absolument à rien. Nous étions devenus très légalement, et pour pas cher, comme l'avait remarqué Simon, les propriétaires d'une maison inhabitable.